Section 29 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 9e. Suite. Lettre de M. de Montmorency, Paris, ce 17 août. Quoiqu'il n'y ait pas de dépêche bien importante à confier à votre fidèle Hyacinthe, je veux cependant le faire repartir, noble vicomte, d'après votre propre désir et celui qu'il m'a exprimé de la part de Madame de Chateaubriand, de le voir promptement retourner auprès de vous. J'en profiterai pour vous adresser quelques mots plus confidentiels sur la profonde impression que nous avons reçue comme à Londres de cette terrible mort du marquis de Londonderry, et aussi, par la même occasion, sur une affaire à laquelle vous semblez mettre un intérêt bien exagéré et bien exclusif. Le conseil du roi en a profité et a fixé, à ces jours-ci, immédiatement après la clôture qui a eu lieu ce matin même, la discussion des directions principales à arrêter, des instructions à donner, de même des personnes à choisir. La première question est de savoir si elles seront une ou plusieurs. Vous avez exprimé quelque part, ce me semble, de l'étonnement que l'on pût songer à, non pas à vous préférer à lui, vous savez très bien qu'il ne peut pas être sur la même ligne pour nous, si après le plus mûr examen. Nous ne croyons pas possible de mettre à profit la bonne volonté que vous nous avez montrée très franchement à cet égard. Il faudrait sans doute pour nous déterminer de graves motifs que je vous communiquerai avec la même franchise. L'ajournement est plutôt favorable à votre désir, en ce sens qu'il serait tout à fait inconvenable, et pour vous et pour nous, que vous quittassiez Londres d'ici à quelques semaines et avant la décision ministérielle qui ne laisse pas d'occuper tous les cabinets. Cela frappe tellement tout le monde que quelques amis me disent l'autre jour, si M. de Chateaubriand était venu tout de suite à Paris, il aurait été assez contrariant pour lui d'être obligé de repartir pour Londres. Nous attendons donc cette nomination importante au retour d'Édimbourg. Le chevalier Stuart disait hier que sûrement le duc de Wellington irait au congrès. C'est ce qu'il nous importe de savoir le plus tôt possible. M. Hyde de Neuville est arrivé hier bien portant. J'ai été charmé de le voir. Je vous renouvelle, noble vicomte, tous mes inviolables sentiments. Montmorency. Cette nouvelle lettre de M. de Montmorency, mêlée de quelques phrases ironiques, me confirma pleinement qu'il ne voulait pas de moi au congrès. Je donnais un dîner le jour de la Saint-Louis en l'honneur de Louis XVIII et j'allais voir Hartwell en mémoire de l'exil de ce roi. Je remplissais un devoir plutôt que je ne jouissais d'un plaisir. Les infortunes royales sont maintenant si communes qu'on ne s'intéresse guère aux lieux que n'ont point habité le génie ou la vertu. Je ne vis dans le triste petit parc d'Hartwell que la fille de Louis XVI. Enfin, je reçus tout à coup de M. de Villèle ce billet inattendu qui faisait mentir mes prévisions et mettait fin à mes incertitudes. 27 août 1822. Mon cher Chateaubriand, il vient d'être arrêté qu'aussitôt que les convenances relatives au retour du roi à Londres vous le permettront, vous serez autorisé à vous rendre à Paris, pour de là pousser jusqu'à Vienne ou jusqu'à Vérone, comme un des trois plénipotentiaires chargés de représenter la France au Congrès. Les deux autres seront messieurs de Caraman et de la Ferronnay, ce qui n'empêche pas M. le vicomte de Montmorency de partir après-demain pour Vienne, afin d'y assister aux conférences qui pourront avoir lieu dans cette ville avant le Congrès. Il devra revenir à Paris lors du départ des souverains pour Vérone. Ceci pour vous seul. Je suis heureux que cette affaire ait pris la tournure que vous désiriez. De cœur tout à vous. D'après ce billet, je me préparais à partir. Cette foudre qui tombe sans cesse à mes pieds me suivait partout. Avec Lord Londonderry, expira la vieille Angleterre, jusqu'alors se débattant au milieu des innovations croissantes. Survint M. Canning. L'amour-propre l'emporta jusqu'à parler à la tribune la langue du propagandiste. Après lui parut le duc de Wellington, conservateur qui venait démolir. Quand l'arrêt des sociétés est prononcé, la main qui devait élever ne sait qu'abattre. Lord Grey, O'Connell, tous ces ouvriers en ruine, travaillèrent successivement à la chute des vieilles institutions. Réforme parlementaire, émancipation de l'Irlande, toutes choses excellentes en soi, devinrent par l'insalubrité des temps des causes de destruction. La peur accrut les maux. Si l'on ne s'était pas si fort effrayé des menaces, on eût pu résister avec un certain succès. Qu'avait besoin l'Angleterre de consentir à nos derniers troubles ? Renfermée dans son île et dans ses inimitiés nationales, elle était à l'abri. Qu'avait besoin le cabinet de Saint-James, de redouter la séparation de l'Irlande. L'Irlande n'est que la chaloupe de l'Angleterre. Coupez la corde, et la chaloupe séparée du grand navire ira se perdre au milieu des flots. Lord Liverpool avait lui-même de tristes pressentiments. Je dînais un jour chez lui. Après le repas, nous causâmes à une fenêtre qui s'ouvrait sur la Tamise. On apercevait, en aval de la rivière, une partie de la cité dont le brouillard et la fumée élargissaient la masse. Je faisais à mon hôte l'éloge de la solidité de cette monarchie anglaise pondérée par le balancement égal de la liberté et du pouvoir. Le vénérable lord, levant et allongeant le bras, me montra de la main la cité et me dit « Qu'y a-t-il de solide avec ces villes énormes ? Une insurrection sérieuse à Londres et tout est perdu. » Il me semble que j'achève une course en Angleterre comme celle que je fis autrefois sur les débris d'Athènes, de Jérusalem, de Memphis et de Carthage. En appelant devant moi les siècles d'Albion, en passant de renommée en renommée, en les voyant s'abîmer tour à tour, j'éprouve une espèce de douloureux vertige. Que sont devenus ces jours éclatants et tumultueux, où vécurent Shakespeare et Milton, Henri VIII et Elisabeth, Cromwell et Guillaume, Pitt et Burke? Tout cela est fini. Supériorités et médiocrités, haines et amours, félicités et misères, oppresseurs et opprimés, bourreaux et victimes, rois et peuples, tout dort dans le même silence et la même poussière. Quel néant sommes-nous donc, s'il en est ainsi, de la partie la plus vivante de l'espèce humaine, du génie qui reste comme une ombre des vieux temps dans les générations présentes, mais qui ne vit plus par lui-même, et qui ignore s'il a jamais été? Combien de fois l'Angleterre, dans l'espace de quelques cent ans, a-t-elle été détruite? À travers combien de révolutions n'a-t-elle point passé pour arriver au bord d'une révolution plus grande, plus profonde, et qui enveloppera la postérité? J'ai vu ces fameux parlements britanniques dans toute leur puissance. Que deviendront-ils? J'ai vu l'Angleterre dans ses anciennes mœurs et dans son ancienne prospérité. Partout, la petite église solitaire, avec sa tour, le cimetière de campagne de grès, partout des chemins étroits et sablés, des vallons remplis de vaches, des bruyères marbrées de moutons, des parcs, des châteaux, des villes, peu de grands bois, peu d'oiseaux, le vent de la mer. Ce n'étaient pas ces champs de l'Andalousie où je trouvais les vieux chrétiens et les jeunes amours parmi les débris voluptueux du palais des morts, au milieu des aloès et des palmiers. Quid dignum memorare tuis Hispania terris vox humana valet? Quelle voix humaine, ô Espagne, est digne de remémorer tes rivages? Ce n'était pas là cette campagne romaine dont le charme irrésistible me rappelle sans cesse. Ces flots et ce soleil n'étaient pas ceux qui baignent et éclairent le promontoire sur lequel Platon enseignait ses disciples, ce Sunium où j'entendis chanter le grillon, demandant en vain à Minerve le foyer des prêtres de son temple. Mais enfin, telle qu'elle était, cette Angleterre, entourée de ses navires, couverte de ses troupeaux, et professant le culte de ses grands hommes, était charmante et redoutable. Aujourd'hui, ses vallées sont obscurcies par les fumées des forges et des usines, ses chemins changés en ornières de fer, et sur ces chemins, au lieu de Milton et de Shakespeare, se meuvent des chaudières errantes. Déjà les pépinières de la science, Oxford et Cambridge, prennent un air désert. Leurs collèges et leurs chapelles gothiques, demi-abandonnées, affligent les regards. Dans leurs cloîtres, auprès des pierres sépulcrales du Moyen-Âge, reposent, oubliées, les annales de marbre des anciens peuples de la Grèce, ruines qui gardent les ruines. À ces monuments, autour desquels commençait à se former le vide, je laissais la partie des jours printaniers que j'avais retrouvés. Je me séparais une seconde fois de ma jeunesse, au même bord où je l'avais abandonnée autrefois. Charlotte avait tout à coup réapparu comme cet astre, la joie des ombres, qui, retardée par le cours des mois, se lèverait au milieu de la nuit. Si vous n'êtes pas trop là, cherchez dans ses mémoires l'effet que produisit sur moi en 1822 la vision subite de cette femme. Lorsqu'elle m'avait remarqué autrefois, je ne connaissais point ces autres Anglaises, dont la troupe venait de m'environner à l'heure de mon renom et de ma puissance. Leurs hommages ont eu la légèreté de ma fortune. Aujourd'hui, après 16 nouvelles années évanouies depuis mon ambassade de Londres, après tant de nouvelles destructions, mes regards se reportent sur la fille du pays de Desdémone et de Juliette. Elle ne compte plus dans ma mémoire que du jour où sa présence inattendue ralluma le flambeau de mes souvenirs. Nouvelle Épiménide, réveillée après un long sommeil, j'attache mes regards sur un phare d'autant plus radieux que les autres sont éteints sur le rivage. Un seul excepté brillera longtemps après moi. Je n'ai point achevé tout ce qui concerne Charlotte dans les pages précédentes de ses mémoires. Elle vint avec une partie de sa famille me voir en France lorsque j'étais ministre en 1823. Par une de ces misères inexplicables de l'homme, préoccupée que j'étais d'une guerre d'où dépendait le sort de la monarchie française, quelque chose sans doute aura manqué à ma voix puisque Charlotte, retournant en Angleterre, me laissa une lettre dans laquelle elle se montre blessée de la froideur de ma réception. Je n'ai osé ni lui écrire, ni lui renvoyer des fragments littéraires qu'elle m'avait rendus et que j'avais promis de lui remettre augmentés. S'il était vrai qu'elle eût eu une raison véritable de se plaindre, je jetterais au feu ce que j'ai raconté de mon premier séjour outre-mer. Souvent, il m'est venu en pensée d'aller éclaircir mes doutes. Mais pourrais-je retourner en Angleterre, moi qui suis assez faible pour n'oser visiter le rocher paternel sur lequel j'ai marqué ma tombe? J'ai peur maintenant des sensations. Le temps, en m'enlevant mes jeunes années, m'a rendu semblable à ces soldats dont les membres sont restés sur le champ de bataille. Mon sang, ayant un chemin moins long à parcourir, se précipite dans mon cœur avec une affluence si rapide que ce vieil organe de mes plaisirs et de mes douleurs palpite comme prêt à se briser. Le désir de brûler ce qui regarde Charlotte, bien qu'elle soit traitée avec un respect religieux, se mêle chez moi à l'envie de détruire ses mémoires. S'ils m'appartenaient encore, ou si je pouvais les racheter, je succomberais à la tentation. J'ai un tel dégoût de tout, un tel mépris pour le présent et pour l'avenir immédiat, une si ferme persuasion que les hommes désormais, pris ensemble comme public, et cela pour plusieurs siècles, seront pitoyables, que je rougis d'user mes derniers moments au récit des choses passées, à la peinture d'un monde fini dont on ne comprendra plus le langage et le nom. Note. Ce pessimisme, dont les mémoires enferment de si nombreux témoignages, l'auteur ne se faisait pas faute de le manifester également, presque en toute rencontre, dans ses conversations. En 1844, un jour que M. de Marcellus et lui faisaient quelques pas ensemble dans son petit jardin de la rue du Bac, il dit à son ami « Le fleuve de la monarchie s'est perdu dans le sang à la fin du siècle dernier. Entraîné par les courants de la démocratie, à peine, depuis, avons-nous fait quelques haltes sur la boue des écueils. Mais le torrent nous submerge, et c'en est fait en France, de la vraie liberté politique et de la dignité de l'homme. » Fin de note. L'homme est aussi trompé par la réussite de ses vœux que par leur désappointement. J'avais désiré, contre mon instinct naturel, aller au congrès. Profitant d'une prévention de M. de Villèle, je l'avais amené à forcer la main de M. de Montmorency. Eh bien, mon vrai penchant n'était pas pour ce que j'avais obtenu. J'aurais eu sans doute quelque dépit si l'on m'eût contraint de rester en Angleterre. Mais bientôt l'idée d'aller voir Mme Sutton, de faire le voyage des trois royaumes, l'eût emporté sur le mouvement d'une ambition postiche qui n'adhère point à ma nature. Dieu en ordonna autrement, et je partis pour Vérone. De là le changement de ma vie, de là mon ministère, la guerre d'Espagne, mon triomphe, ma chute, bientôt suivie de celle de la monarchie. Un des deux beaux enfants pour lesquels Charlotte m'avait prié de m'intéresser en 1822 vient de venir me voir à Paris. C'est aujourd'hui le capitaine Sutton. Il est marié à une jeune femme charmante et il m'a appris que sa mère, très malade, a passé dernièrement un hiver à Londres. Je m'embarquai à Douvres le 8 de septembre 1822, dans le même port d'où, 22 ans auparavant, M. Lassagne, le Neuchâtelois, avait fait voile. De ce premier départ, au moment où je tiens la plume, 39 années sont accomplies. Lorsqu'on regarde ou qu'on écoute sa vie passée, on croit voir sur une mer déserte la trace d'un vaisseau qui a disparu, on croit entendre l'éclat d'une cloche dont on n'aperçoit point la vieille tour. Ici vient se placer dans l'ordre des dates le congrès de Vérone que j'ai publié en 2 volumes à part. Si on avait par hasard envie de le relire, on peut le trouver partout. Ma guerre d'Espagne, le grand événement politique de ma vie, était une gigantesque entreprise. La légitimité allait pour la première fois brûler de la poudre sous le drapeau blanc tirer son premier coup de canon après ces coups de canon de l'Empire qu'entendra la dernière postérité. Enjamber d'un pas les Espagnes, réussir sur le même sol où naguère les armées d'un conquérant avaient eu des revers, faire en 6 mois ce qu'il n'avait pu faire en 7 ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige? C'est pourtant ce que j'ai fait. Mais par combien de malédictions ma tête a été frappée à la table de jeu où la Restauration m'avait assis? J'avais devant moi une France ennemie des Bourbons et 2 grands ministres étrangers, le prince de Metternich et M. Canning. Il ne se passait pas de jour que je ne reçusse des lettres qui m'annonçaient une catastrophe, car la guerre avec l'Espagne n'était pas du tout populaire, ni en France, ni en Europe. En effet, quelque temps après mes succès dans la péninsule, ma chute ne tarda pas à arriver. Dans notre ardeur après la dépêche télégraphique qui annonçait la délivrance du roi d'Espagne, nous autres ministres nous courûmes au château. Là, j'eus un pressentiment de ma chute. Je reçus sur la tête un seau d'eau froide qui me fit rentrer dans l'humilité de mes habitudes. Le roi et monsieur ne nous aperçurent point. Madame la duchesse d'Angoulême, éperdue du triomphe de son mari, ne distinguait personne. Cette victime immortelle écrivit sur la délivrance de Ferdinand une lettre terminée par cette exclamation sublime dans la bouche de la fille de Louis XVI. Il est donc prouvé qu'on peut sauver un roi malheureux. Le dimanche, je retournai avant le conseil faire ma cour à la famille royale. L'auguste princesse dit à chacun de mes collègues un mot obligeant. Elle ne m'adressa pas une parole. Je ne méritais pas sans doute un tel honneur. Le silence de l'orpheline du temple ne peut jamais être ingrat. Le ciel a droit aux adorations de la terre et ne doit rien à personne. Je traînai ensuite jusqu'à la Pentecôte. Pourtant, mes amis n'étaient pas sans inquiétude. Ils me disaient souvent « Vous serez renvoyés demain. »« Tout à l'heure, si l'on veut, » répondais-je. Le jour de la Pentecôte, 6 juin 1824, j'étais arrivé dans les premiers salons de monsieur. Un huissier vint me dire qu'on me demandait. C'était Hyacinthe, mon secrétaire. Il m'annonça en me voyant que je n'étais plus ministre. J'ouvris le paquet qu'il me présentait. J'y trouvai ce billet de M. de Villèle. « Monsieur le Vicomte, j'obéis aux ordres du roi en transmettant de suite à votre Excellence une ordonnance que Sa Majesté vient de rendre. Le sieur comte de Villèle, président de notre Conseil des ministres, est chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères en remplacement du sieur Vicomte de Chateaubriand. Cette ordonnance était écrite de la main de Monsieur de Renneville, assez bon pour en être encore embarrassé devant moi. Eh, mon Dieu, est-ce que je connais Monsieur de Renneville? Est-ce que j'ai jamais songé à lui? Je le rencontre assez souvent. S'est-il jamais aperçu que je savais que l'ordonnance qui m'avait rayé de la liste des ministres était écrite de sa main? Et pourtant, qu'avais-je fait? Où étaient mes intrigues et mon ambition? Avais-je désiré la place de Monsieur de Villèle en allant seul et caché me promener au fond du bois de Boulogne? Ce fut cette vie étrange qui me perdit. J'avais la simplicité de rester tel que le ciel m'avait fait, et parce que je n'avais envie de rien, on crut que je voulais tout. Aujourd'hui, je conçois très bien que ma vie à part était une grande faute. Comment? Vous ne voulez rien être? Allez-vous-en! Nous ne voulons pas qu'un homme méprise ce que nous adorons, et qu'il se croit en droit d'insulter à la médiocrité de notre vie. Les embarras de la richesse et les inconvénients de la misère me suivirent dans mon logement de la rue de l'Université. Le jour de mon congé, j'avais au ministère un immense dîner prié. Il me fallut envoyer des excuses aux convives et faire replier dans ma petite cuisine à 2 mètres 3 grands services préparés pour 40 personnes. Mon Mirel et ses aides se mirent à l'ouvrage. Et nichant casseroles, lèches frites et bassines dans tous les coins, il mit son chef-d'œuvre réchauffé à l'abri. Un vieil ami vint partager mon premier repas de matelot mis à terre. La ville et la cour accoururent, car il n'y eut qu'un cri sur l'outrecuidance de mon renvoi après le service que je venais de rendre. On était persuadé que ma disgrâce serait de courte durée. On se donnait l'air de l'indépendance en consolant un malheur de quelques jours, au bout desquels on rappellerait fructueusement à l'infortuné revenu en puissance qu'on ne l'avait point abandonné. On se trompait, on en fut pour les frais de courage. On avait compté sur ma platitude, sur mes pleurnicheries, sur mon ambition de chien couchant, sur mon empressement à me déclarer moi-même coupable, à faire le pied de grue auprès de ceux qui m'avaient chassé. c'était mal me connaître. Je me retirai, sans réclamer même le traitement qui m'était dû, sans recevoir ni une faveur ni une obole de la cour. Je fermai ma porte à quiconque m'avait trahi, je refusai la foule condoléante et je pris les armes. Alors tout se dispersa, le blâme universel éclata, et ma partie, qui d'abord avait semblé belle au salon et aux antichambres, parut effroyable. Après mon renvoi, n'eussé-je pas mieux fait de me taire? La brutalité du procédé ne m'avait-elle pas fait revenir le public? M. de Villèle a répété que la lettre de destitution avait été retardée. Par ce hasard, elle avait eu le malheur de ne m'être rendue qu'au château. Peut-être en fut-il ainsi. Mais, quand on joue, on doit calculer les chances de la partie. On doit surtout ne pas écrire à un ami de quelque valeur une lettre telle qu'on rougirait d'en adresser une semblable au valet coupable qu'on jetterait sur le pavé, sans convenance et sans remords. L'irritation du parti Villèle était d'autant plus grande contre moi qu'il voulait s'approprier mon ouvrage et que j'avais montré de l'entente dans des matières qu'on m'avait supposé ignorer. Sans doute, avec du silence et de la modération, comme on disait, j'aurais été loué de la race en adoration perpétuelle du portefeuille. En faisant pénitence de mon innocence, j'aurais préparé ma rentrée au conseil. C'eût été mieux dans l'ordre commun, mais c'était me prendre pour l'homme que point ne suit. C'était me supposer le désir de ressaisir le timon de l'étang, l'envie de faire mon chemin. Désir et envie qui, dans 100 000 ans, ne m'arriveraient pas. L'idée que j'avais du gouvernement représentatif me conduisit à entrer dans l'opposition. L'opposition systématique me semble la seule propre à ce gouvernement. L'opposition surnommée de conscience est impuissante. La conscience peut arbitrer un fait moral. Elle ne juge point d'un fait intellectuel. Force est de se ranger sous un chef appréciateur des bonnes et mauvaises lois. N'en est-il ainsi, alors tel député prend sa bêtise pour sa conscience et la met dans l'urne. L'opposition dite de conscience consiste à flotter entre les partis, à ronger son frein, à voter même, selon l'occurrence, pour le ministère, à se faire magnanime en enrageant. Opposition d'imbécillité mutine chez les soldats, de capitulations ambitieuses parmi les chefs. Tant que l'Angleterre a été saine, elle n'a jamais eu qu'une opposition systématique. On entrait et l'on sortait avec ses amis. En quittant le portefeuille, on se plaçait sur le banc des attaquants. Comme on était censé s'être retiré pour n'avoir pas voulu accepter un système, ce système étant resté près de la couronne devait être nécessairement combattu. Or, les hommes ne représentant que des principes, l'opposition systématique ne voulait emporter que les principes, lorsqu'elle livrait l'assaut aux hommes. Ma chute fit grand bruit. Ceux qui se montraient les plus satisfaits en blâmait la forme. J'ai appris depuis que M. de Villèle hésita. M. de Corbière décida la question. S'il entre par une porte au conseil, dut-il dire, je sors par l'autre. On me laissa sortir. Il était tout simple qu'on me préférât M. de Corbière. Je ne lui en veux pas. Je l'importunais. Il m'a fait chasser. Il a bien fait. Le lendemain de mon renvoi et les jours suivants, on lut dans le journal des débats ces paroles si honorables pour messieurs Bertin. C'est pour la seconde fois que M. de Chateaubriand subit l'épreuve d'une destitution solennelle. Il fut destitué en 1816 comme ministre d'État pour avoir attaqué dans son immortel ouvrage de la monarchie selon la charte la fameuse ordonnance du 5 septembre qui prononçait la dissolution de la Chambre introuvable de 1815. Messieurs de Villèle et Corbière était alors de simples députés, chefs de l'opposition royaliste, et c'est pour avoir embrassé leur défense que M. de Chateaubriand devint la victime de la colère ministérielle. En 1824, M. de Chateaubriand est encore destitué, et c'est par M. de Villèle et Corbière, devenu ministre, qu'il est sacrifié. Chose singulière, en 1816, il fut puni d'avoir parlé. En 1824, on le punit de s'être tu. Son crime est d'avoir gardé le silence dans la discussion sur la loi des rentes. Toutes les disgrâces ne sont pas des malheurs. L'opinion publique, juge suprême, nous apprendra dans quelle classe il faut placer M. de Chateaubriand. Elle nous apprendra aussi à qui l'ordonnance de ce jour aura été le plus fatale, ou du vainqueur, ou du vaincu. Qui nous eût dit, à l'ouverture de la session, que nous gâterions ainsi tous les résultats de l'entreprise d'Espagne. Que nous fallait-il cette année ? Rien que la loi sur la septennalité, mais la loi complète et le budget. Les affaires de l'Espagne, de l'Orient et des Amériques, conduites comme elles l'étaient, prudemment et en silence, seraient éclaircies. Le plus bel avenir était devant nous. On a voulu cueillir un fruit vert, il n'est pas tombé, et on a cru remédier à de la précipitation par de la violence. La colère et l'envie sont de mauvais conseillers. Ce n'est pas avec les passions et en marchant par saccades que l'on conduit les États. Post-scriptum. La loi sur la septennalité a passé ce soir à la Chambre des députés. On peut dire que les doctrines de M. de Chateaubriand triomphent après sa sortie du ministère. Cette loi, qu'il avait conçue depuis longtemps, comme complément de nos institutions, marquera à jamais, avec la guerre d'Espagne, son passage dans les affaires. On regrette bien vivement que M. de Corbière ait enlevé la parole samedi à celui qui était alors son illustre collègue. La Chambre des Pairs aurait au moins entendu le chant du cygne. Quant à nous, c'est avec le plus vif regret que nous rentrons dans une carrière de combat dont nous espérions être à jamais sortis par l'union des royalistes. Mais l'honneur, la fidélité politique, le bien de la France ne nous ont pas permis d'hésiter sur le parti que nous devions prendre. Le signal de la réaction fut ainsi donné. M. de Villèle n'en fut pas d'abord trop alarmé, il ignorait la force des opinions. Plusieurs années furent nécessaires pour l'abattre, mais enfin il tomba. Fin de la section 29.